Chapitre 4. Madame Loisy n'avait pas permis à Abel de passer le reste de la nuit auprès de son père. Maintenant, le malade semblait dormir. La respiration ralente avait cessé pour faire place à des soupirs longs et réguliers, un peu forts cependant. Déjà, elle l'avait vu dans cet état une fois, lors de sa première attaque. Il en était sorti, il est vrai, un peu affaibli, mais en réalité bien portant et suffisamment alerte. Cette fois encore, le résultat serait le même. Rien de dangereux à craindre. Seulement, il serait indispensable de lui éviter toute émotion vive, de duveter encore plus sa vie. Mais hélas, qui aurait deviné qu'un pareil coup de foudre allait frapper cette maison si calme? Madame Loisy, par une singularité moins rare qu'on ne croit, était restée surtout épouse, même après avoir été mère. Pour elle, tout dans sa vie convergeait à un seul but, le bonheur de son mari. Certes, elle aimait ses enfants, et de toute la force de son cœur, mais elle les aimait surtout pour lui, pour le bonheur que lui donnait sa paternité. Ce sentiment, tout instinctif et nullement défini, expliquait le heurt des sentiments qui avaient éclaté en elle lorsqu'elle s'était trouvée en face de ceux qu'elle croyait morts tous deux. Dans ces conditions atroces, la catastrophe était pour elle complète, insupportable. C'était la ruine de toute sa vie, c'était sa propre mort à elle. Puis, quand aux premières explications, elle avait compris que son mari vivait, ça avait été comme un réveil, comme une résurrection. Le mari présent reconstituait la famille, l'intérieur, l'avenir. Et en même temps, quand ses yeux étaient tombés sur Abel, elle avait senti pour cet enfant survivant un élan de passion. Le père pouvait encore être heureux, il lui restait un fils. En cette épouvantable tourmente, le port d'espérance, de salut, était là. Elle avait serré Abel dans ses bras, avec une énergie presque sauvage, comme pour le remercier de vivre. Les femmes ont de ces anéantissements d'elles-mêmes en la personnalité d'un autre. Pas un acte de Madame Loisy ne se rapporterait à un autre qu'à son mari. Si elle-même tenait à sa propre santé, à sa propre vie, c'était pour lui. L'absence de sa femme par maladie ou mort lui devant faire un trop grand vide. Ainsi pour ses enfants. C'est ainsi qu'elle subordonnait la douleur très profonde que lui causait la mort de Georges à cette espérance qu'Abel le remplacerait auprès de son père. Elle y aiderait d'ailleurs de toutes ses forces. Observatrice, dans le seul ordre d'idées où toutes ses facultés étaient tendues, elle avait savouré avec une indicible joie le cri de désespoir qui avait échappé à Abel alors qu'il avait cru à la mort de son père. Et aussi, quand elle l'avait vu, courbé sur le lit de Loisy, épiant son souffle, arrangeant doucement l'oreiller de ses mains qui tremblaient, elle s'était dit que son mari serait tant aimé qu'il pourrait se guérir et se consoler. Mais il n'était pas fort, ce pauvre Abel. Ses nerfs tendus vibraient douloureusement. Elle le devinait à la chaleur de son front, aux crispations nerveuses de son visage pâleau. Ah, il ne faudrait pas que celui-ci fût malade, par exemple. Pauvre Loisy, lui, sans fils. « Va, va, » dit-elle à Abel, « je t'en prie. Demain, demain, sois tranquille, il n'y a pas de danger. Je t'éveillerai de bonne heure, dès que le médecin sera là. » L'abbé, pendant ce temps, veillait et priait auprès du mort, ne s'étonnant pas qu'on le délaissât ainsi. Ne fallait-il pas avant tout soigner le père? Pourtant, il se sentit blessé quand Abel passa devant la couche où gisait son frère, sans s'arrêter, sans même détourner la tête. Puis, l'indulgence aidant, il se dit que le pauvre Abel, ébranlé par le choc terrible, n'avait plus la tête à lui. Abel montait l'escalier, dans l'obscurité. Il était si troublé qu'il n'avait pas songé à prendre une lumière. Les marches craquèrent. Il frissonna, ayant peur, et pour garder son équilibre, étendit la main et saisit la rampe. Mais l'impression froide du bois poli lui glaça la chair. Il eut comme un hoquet, et resta immobile, au milieu de l'escalier, dans la nuit, grelottant, les yeux grands ouverts, la bouche sèche, n'osant ni monter ni descendre, cloué par la terreur. Il lui sembla qu'on marchait en bas. Peut-être la porte allait-elle se rouvrir. Alors, une lumière paraissant, on le verrait là, stupéfié, hagard. Que dirait-il pour expliquer cela? Se contraignant au mouvement, il leva ses pieds, lourds comme si des semelles de plomb y fussent attachées, mais, surexcitant l'effort musculaire, il franchit par deux marches le bout d'escalier qui lui restait à parcourir, trouva sa porte, la première à gauche sur le palier, ouvrit, et étant entré, se retourna, ferma le panneau sur lequel il pesa de toute la pression de son corps, écoutant ainsi que font ceux qu'on poursuit. Silence complet. Les douleurs d'en bas étaient silencieuses. Abel resta ainsi immobile pendant plusieurs minutes, écrasant de ses doigts, sans le sentir, la clé qui lui entrait à la paume de la main. Enfin, il se redressa, lentement, très lentement, sachant que là aussi la nuit était profonde, et cherchant à se rappeler où étaient les allumettes. Ah oui, juste en face de la porte, sur la cheminée. 3 pas à faire. Pourtant, il ne se décidait pas. Il éprouvait cette sensation des ataxiques qui, dans l'obscurité, ne peuvent marcher droit. Il se savait vacillant et avait peur que ses jambes cotonneuses se refusassent à le porter. Puis il craignait de rencontrer un obstacle entre lui et cette cheminée. Certes, il savait bien que ce serait un fauteuil ou une chaise, un meuble quelconque, et pourtant, il redoutait étrangement ce choc dans les ténèbres. C'était ainsi que tout à l'heure, dans l'escalier, la rencontre de la rampe sous ses doigts lui avait fait horreur. À petits pas, glissant, les bras étendus, battant des mains le cercle de nuit devant lui, pour écarter l'invisible, il devina qu'il était arrivé au but. Pour prendre les allumettes, il fallait bien tâter quelque chose, le marbre froid. Ceci encore le troublait, et il se mit à baisser les doigts, tout doucement, espérant n'effleurer que le vase qui les contenait. Il y parvint, saisit le petit morceau de bois phosphoré et le frotta contre son vêtement. Le feu jaillit. Une bougie était là, tout près. La lumière chassa l'ombre, et Abel, debout, suivant de l'œil la flamme qui se dégageait lentement de la mèche encore tordue, vit dans la glace son visage livide, sa bouche contractée, ses épaules pliées, sa poitrine rentrante, et encore une fois, frissonna d'un grelottement insupportable. Mais la lumière rend le courage. Il regarda autour de lui. Il était bien seul. Les rideaux là-bas étaient fermés, plis lourds ayant dégonflement. Il y alla délibérément, et posant sa main le plus haut possible, les ouvrit brusquement d'un seul coup. Mais il se trouva en face des carreaux noirs de nuit et pourtant brillants. Cela lui fut pénible, et il tourna le dos à la fenêtre, se dirigeant maintenant vers son lit. Il alluma une seconde bougie, puis se dit qu'une lampe éclairerait encore mieux, surtout en enlevant l'abat-jour. Cette fois, la lumière était pleine, blanche, fouillant tous les recoins de la chambre. La pièce était petite, d'une propreté méticuleuse, d'un ordre parfait. Le lit, haut de 4 matelas, était confortable et attirant. Auprès, une petite table de noyer ciré. Entre la porte et la fenêtre, un bureau, soigneusement essuyé, et que ne déparaient ni papier, ni encrier, ni livre. Au mur, quelques gravures de choix, d'après les tableaux, seconde manière de Loisy, des scènes de genre, notamment la veille de campagne, qui lui avait valu la croix. Les sièges étaient recouverts de housses de crétonne, à fond grisâtre, à fleurs effacées. Tout cela propret, discret, reposant. Abel s'était assis sur son lit, les jambes pendantes. La lumière blanchissait encore son teint naturellement décoloré. Les cheveux blonds, assez épais, formaient touffe au-dessus d'un front trop bombé, sous lequel s'enfonçaient ses yeux, grands, d'un bleu très clair, aussi l'invisible. Le visage allait se rétrécissant jusqu'au menton qui fuyait. L'ensemble n'était pas laid, il était souffreteux surtout. Puis, quelque chose de plus, l'impression était presque bizarre. Au temps de sa jeunesse, Loisy avait mis en ses tableaux de névrosé des types hagards qui rappelaient celui-là. Les mains aussi, que maintenant il tenait étendues sur les cuisses, étaient longues, avec des nodosités entre les phalanges et les bouts spatulés. L'ongle était plat et strié, l'extrémité carrée avait tendance à se relever. Maigre, portant mal le vêtement, Abel n'avait aucune élégance, et cela en dépit de sa mère qui, alors qu'il était petit, trouvait sa tête blonde adorablement jolie et avait tenté de le rendre coquet. Les poignets aux attaches osseuses sortaient de manchets toujours fripés, et à ses chevilles, la chaussette mal tirée semblait prête à tomber. Ne manquant de rien, toujours il avait l'air pauvre. La maison se taisait. On était à cette heure où la nature qui va s'éveiller semble dormir plus profondément, heure de malaise, où le froid tombe aux épaules et saisit les entrailles, d'écœurement et de lassitude, dont jusqu'ici la science n'a pas tenu assez grand compte pour expliquer peut-être certains phénomènes cosmiques. Les traits tirés, les yeux vagues, Abel ne dormait ni ne songeait à dormir. Comme son corps, sa pensée était fixe. Il regardait en lui-même quelques pensées qui le hantaient, qui lui serraient le cerveau, qui étreignaient son cœur avec l'affadissement du mal de mer, Il était conquis à ce point par l'idée, absorbant toutes ses facultés, qu'à son insu, ses lèvres s'agitèrent et dans un souffle, il prononça ces mots. « C'est moi, oui, c'est moi. » Il n'acheva pas. Ce peu de voix qui n'avait vibré qu'au-dedans de lui l'avait épouvanté. Il se laissa tomber sur l'oreiller, ne pleurant pas, mais tamponnant le duvet à ses oreilles, à ses joues, s'enfouissant dans cette mollesse chaude et étouffante. Et alors, la pensée, contre laquelle rien ne prévaut, devenait maîtresse de son cerveau, et il revoyait le meurtre, car c'était bien un meurtre, et il le raisonnait. Georges, son frère, eh bien oui, il l'avait tué. Pourquoi? Le savait-il bien au juste? La haine qu'il portait était faite d'une agrégation d'infiniment petits, comme ces récifs de corail dont parle Darwin, alluvions de l'infinitésimal, de l'impalpable, lentement accumulés pendant des siècles. Il le haïssait parce qu'il le sentait, parce qu'il le savait supérieur à lui, parce que cette haute taille insultait à sa chétivité, parce que ce rire franc et large faisait honte à son sourire jaune, parce que sa voix, fortement timbrée, semblait une raillerie de sa voix à lui, rauque, presque croupale, parce que cette activité saine et bruyante irritait sa lenteur muette, parce que le père l'admirait, parce que la mère l'adorait, parce que tout le monde, jusqu'au dernier des serviteurs, était en admiration devant M. Georges, parce que sans cesse on lui donnait en exemple, parce qu'on l'humiliait de ses éloges incessants, parce que... Il le haïssait, et de la pire, de la plus basse, de toutes les haines, de la haine lâche. Est-ce que jamais il aurait songé à lui résister, à lutter avec lui, à se venger même? Allons donc, il était trop faible. Il avait trop conscience de son infériorité physique et morale. Il savait trop qu'il avait l'intellect lent et le bras mou. Jamais il n'avait osé, même seul, avec lui-même, s'avouer cette haine. À force de contraindre son visage à feindre la sympathie fraternelle, ses lèvres à former le sourire timide du courtisan amical, de cacher au plus profond de soi les souffrances, oui, les souffrances ressenties, il en était venu à un état d'automatisme qui facilitait l'hypocrisie en l'amalgamant à toute sa nature. Inutile de s'efforcer pour paraître doucement joyeux quand Georges arrivait, légèrement fâché quand il repartait. Jusqu'à la moue bénigne par laquelle il accueillait les sorties trop bruyantes de son frère. Jusqu'au regret manifesté quand, après une courte promenade à deux, il devait le quitter par raison de fatigue. Tout était noté, serré, imprégné en lui comme le mouvement d'une machine. Se venger. C'eût été folie que de concevoir même un projet que tout prouvait irréalisable. Parfois, dans la nuit, les yeux grands ouverts, Abel avait rêvé un accident, quelque cataclysme subi qui rendrait à la maison son calme perpétuel. Ah, quand Georges n'était pas là! Abel était si heureux, pareil à ces poissons qu'on voit rôder tout près de la rive, mais qui fuient vite, comme sous une secousse électrique quand l'ombre d'un enfant passe sur l'eau. Était-ce donc sa faute si son organisme peinait plus qu'un autre à la moindre secousse? Cela lui faisait mal, vraiment mal. Il lui fallait la lenteur des jours campagnards, sans un incident, sans une surprise, la sérénité lourde des soirées de whist, ou bien l'épanouissement béat des belles nuits d'été, alors que dans le jardin, Loisy, en son fauteuil américain, se berçait en fumant le cigare, l'unique cigare permis pour la journée, et que Madame Loisy, pénétrée de ce calme chaud, laissait tomber son tricot sur ses genoux, doucement somnolente. Aux divers bruits de la maison, au talonnement des gros souliers de Thomas, au traînement de la vieille cuisinière, au rire discret de son père, même aux sévérités, bien calmes d'ailleurs, de sa mère m'originant les serviteurs, ses organes étaient habitués. Il ne haïssait pas les coqs, claironnant le matin. C'était un bruit attendu et qui ne le surprenait plus. Mais Georges arrivait. Alors, toute la maison semblait tressauter en une danse de Saint-Guy perpétuelle. Les portes avaient des claquements, les parquets sonnaient sous les pas, le chien aboyait plus fort, le cri du coq prenait des acuités perçantes, le père marchait, allait, parlait. Madame Loisy s'empressait, les engrenages de la machine affolée criaient et craquaient, écrasant sous leur rouage les nerfs, les muscles, les os, le cerveau d'Abel, torturé dans la gêne de son rachitisme. En ce moment même, où ce flot d'acrimonie jalouse lui remontait plus violemment au cerveau, il eut cette singulière hallucination de souhaiter la mort de son frère. Il oubliait que Georges fût mort, puis, tout à coup, il se souvint. Une scène d'épouvante, de lâcheté, se retraça devant les yeux de son âme avec une rapidité d'éclair, et Abel tomba en arrière, les paupières closes, la bouche serrée, murmurant : « Oh, que personne ne sache, jamais, jamais !»